I used to bitch at wars. Don't need your money. Fuck you, don't need your gimmick. Fuck you, don't need your swag. Fuck you, I don't want to stop. I used to bitch at system. Yeah. Years are years of my age. 雨で水よ。 Vous êtes bien sur le 100 FM, Lost in Space, votre rendez-vous rock qui s'achève avec la séquence hardcore à l'instant avec Battle et Complete Transaction of the Spinal Cord. C'est donc l'heure du live maintenant, un live enregistré en 1981, Muddy Waters, une légende du blues qui rencontre les Rolling Stones sur scène pour faire quelques morceaux très très classiques. Vous allez voir, Baby Please Don't Go, Uchi Kuchi Man, ça nous ramène assez vieux, 81, et c'est parti pour une demi-heure. Allez, go! We can kind of break them down to the blues now, you know? Quiet it down a little bit, we're gonna get a lot of understanding out of what we're trying to say here. Yeah? Ladies and gentlemen, give my band a nice round of applause. Hey, we came over here to sing a few blues for you. And I feel so good coming back to Southside Chicago to sing some blues because I haven't been on in a long, long time. Pepper Lounge used to be my place up the streets, you know. So I'm gonna break it down, sing some blues for you, and we're gonna do it now. ago. Oh, baby, you don't have to go. Then I'm gonna pack up, baby. Down the road I go. ladies and gentlemen. This time of year, things have got real where it's supposed to be. I'm not gonna call until I get a little self a little drink with that. Take your time, don't rush it. Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go down to New Orleans. You know I love you so. Before I be your dog, before I be your dog, before I be your dog, I get you way down here and I make you walk your dog. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low, and I beg you all night long, baby, please don't go. Mick Jagger, Mick Jagger, let's bring Mick Jagger up here, Mick Jagger. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go down to New Orleans. You know I love you so. Before I be your dog, before I be your dog, before I be your dog, I get you way down here and I make you walk the dog. Still we gonna bring Mick Jagger, Mick Jagger. Why don't you sing a couple of verses? Baby, don't let me know. Baby, please don't go down to New Orleans. Because I love you so. Before I be your dog. Before I be your dog. Be your dog, I want you way down here by the road. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go down to New Orleans because I love you so. You brought me way down here. You brought me way down here. You brought me way down here. About rolling folk, you treat me like I'm a dog. What about Keith? Yeah, what about Keith? What about Keith? ladies and gentlemen, I gotta sing one more before I bring up anybody else. But I'd like to get all the stones up here. Yeah, but we have a guest. The gypsy woman told my mother, oh yeah, before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun. They gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you don't hear. Everybody knows I'm here. I got a black cat bone. Yeah. I got a mojo too. Oh, yeah. I got the John the Conqueror. Uh-huh. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls. That's right. Leave me by my hand. Yeah. Then the world will know. Then I'm that hoochie coochie man. What's that I'm here? Seventh hour. What? Of the seventh day. What happened? On the seventh month. The seventh doctor say. No kidding. I was born for good luck. I see that. And that you see. Yeah. I got $700. To love me, baby. Please call on the phone sometime. You to love me, baby. Please come on the phone sometime. When I hear your voice, I know it is my worry mind. One of these days, I'm gonna show you how nice a man can be. How nice is that? Real good. One of these days, I'm gonna show you how nice a man can be. I'm gonna buy you a brand new Cadillac if you only speak some good words about me. Tell about me. Hear my phone ringing. I did too. Sound like a long distance call. Hear my phone keep ringing. Hey! Sound like a long distance call. Picked up my receiver, found another mule kicking in my stall. It's coming. I know you hear my phone keep ringing. Sound like a long distance call. I know you hear my phone keep ringing. Yeah, I know it sounds like a long distance call. I picked up my receiver. The pilot said, it's another muse. Just another muse. People, I was down in the neighborhood one day and I talked with friends of mine. And it's all in the corner laughing at me, saying another muse. After a while, I went back home like a good man should. I put my hand in my pocket and got my key out and unlocked the door. And there stand my wife, she was crying. She said another muse. The little girl was jumped up in the floor. She patted her hand together. She looking straight at me. Now. She was saying. Mighty water, another mule is kicking in your stall. Le live, c'est fini sur le 100 FM Radioactive. On va continuer avec deux petits morceaux pour se détendre. Candy Oak et Wild Flag. Et après, on aura une série de chroniques d'albums qui ont marqué les gens de l'émission, c'est-à-dire moi et les autres qui ont pu écouter. Et vous verrez, vous découvrirez au fur et à mesure quelques chroniques d'albums marquants. Allez. Hey, what's poppin'? I'm coming to say hi, but I see you only. You wanna have a fight, so I entered the locked VIP room. See me, man, I spot me, so I'd rather go puke. I didn't visit you to beat you with the shuffle, shuffle. There's the point. To show a friend the muzzle, muzzle. I just make that raw shit that make me jump and bounce shit. You went to university while I was making gabber shit. My life passed hell in the age of 13. You call me silly, really hypnotized by career. So you really take it to the scene masquerade. Nugget busting, faking figures, sugar up your ass. I met too many of them living for them press. Cramps always for the press and never in your face. Rest, go for success. Your angle is clear. If you call me silly, really hypnotized by career. Go for success. Your angle is clear. If you call me silly, really hypnotized by career. Tell me, you wish, baby, you wish, baby. They tell me, you wish. They tell me, you wish. It's a shot in the back. You would shoot me in the back. I guess you wanna see me dead. Oh, I feel sorry for you, lad. It's a shot in the back. You would shoot in the back. I guess you wanna see me dead. I'm still alive, you fake rat. Go for success. Your angle is clear. If you call me silly, real, you hypnotize my career. Me and myself, we are the cautious couple. Me and myself, the unbeatable team. I know who to trust, and who better not to. I'm living on my own, give a shit about your real life show. I bounce into that noisy shit that make me feel alive. Turning up that noisy shit and stay proud in my spite. I don't need the competition and I don't need no fight. Got my own shit going on to keep me scum alive. It's a shot in the back. You would shoot in my back. I just got shot in my back. I feel sorry for your lad. It's a shot in the back. I guess you wanna see me dead. I feel sorry for your lad. I'm feeling like a fake rat. We'll be right back. La plupart du temps, les sorties du Disqueur Day sont au mieux de gentils amusements pour aficionados des groupes qui s'y prêtent, au pire des moments éhontés de capitalisme avide et sans intérêt. C'est pourquoi la sortie de ce mini-LP de Bardo Pond, Is There a Heaven, ne m'emballait pas plus que ça, d'autant plus que l'album précédent ne m'avait pas forcément réveillé lors de l'écoute. C'est vrai que revendiquer le psychédélisme comme influence majeure en 2015, ça sent un peu le réchauffé et le mauvais retour de trip à base de champi à moitié pourri. Mais bon, n'écoutant que mon courage et ma capacité à écouter à peu près tout ce qui passe, je décide de lancer le bousin, histoire de pas mourir idiot. Première surprise et de taille, il y a donc deux morceaux de 14 et 12 minutes respectivement. Comment dire, mon instinct me jure qu'il n'y a rien de bon dans des expérimentations bizarres qui traînent en longueur, fussent-elles produites par un groupe de Pennsylvanie à la cote plutôt bonne. Et du coup, seconde surprise, c'est lourd dans le bon sens du terme, mais pas planant, un peu comme du mat rock qui n'oublierait pas qu'un air, à défaut d'un refrain catchy. Est-ce que l'on fait de mieux si on a l'intention de garder ses auditeurs en vie ? L'envie m'en prend d'en savoir un peu plus, et il s'avère au final que ce sont deux reprises, une de Brian Ferry et l'autre de Albert Ayler. C'est donc ceci qui explique le fait que les morceaux tiennent en l'air tout seuls comme par enchantement. Rapidement, la voix féminine se pose avec une quasi-perfection, scandant comme un mantra les rares paroles. Après 14 minutes de lévitation, attaque la seconde reprise, celle de Albert Ayler, et là on franchit encore un cran. Lent comme du son haut, économie de moyens avec une guitare réduite au juste essentiel et toujours cette voix en équilibre instable. Ces gens ont du génie, j'en suis maintenant persuadé. Puis le morceau part dans une espèce de maelstrom bruitiste d'où surnage encore et toujours la voix. Si j'avais une église, ce disque serait la bande-son obligatoire pour tous les rituels. We'll be right back. Le temps s'est arrêté. Nous sommes toujours en 1960. Le rock'n'roll est le mode d'expression ultime contre les adultes, l'establishment et toutes les autres conneries qui pourrissent la vie des kids. Il est aussi le seul moyen de ne pas se faire piéger par la vie que mènent tes parents, d'éviter de trimer comme un esclave dans une usine crasseuse. Guitare, basse, batterie, des couplets refrains et des paroles sur les filles qui veulent pas se laisser pécho aussi facile que ça. Si cela t'amène à larme à l'œil et te fait des frissons dans les chines, tu es mûr pour The Baron 4. Né d'une foisonnante scène garage UK, ces jeunes-là pondent un album dans le plus pur style 60s, à tel point qu'à la première écoute, j'ai eu l'impression de tomber sur des inédits des Shadows of Night. L'album reprend les titres sortis l'année dernière en 45 tours, plus 7 inédits. La formule est archi-connue, mais d'une efficacité redoutable, surtout avec la production qui fait vraiment époque, ou vintage, comme on dit de nos jours. La seule bonne question que je me pose du coup est, auront-ils leur chance en dehors du seul cercle d'initiés ? On est vraiment dans la musique de niche, avec pour conséquence prévisible qu'ils vont devoir se cantonner aux sempiternels concerts avec des groupes garage psycho 60s, etc. Ce qui me fait penser aux marchands de fringues en bas de chez moi qui organisent des concerts hip-hop électro et qui voulaient entendre de la musique garage. Je m'en vais lui faire écouter de Baron 4 et qui sait, ils viendront jouer en bas de ma rue. Je rêve, mais on peut toujours espérer une nouvelle explosion du rock'n'roll. On est toujours en 1960 avec The Baron 4. Belle et Sébastien, comme le nom ne l'indique pas, sont des Écossais de Glasgow ayant sorti 8 albums très pop depuis leur création en 1996. Vous vous en doutiez peut-être, mais le nom provient bien de la série TV qui a bercé l'enfance de nombre de quadragénaires français. Oui, oui, celle-là, celle avec le petit garçon Sébastien et le gros chien Belle qui étaient d'excellents candidats au malheur et à la tristesse. C'est sans doute la raison pour laquelle Belle et Sébastien nous offrent une pop triste et assez mélancolique. Même si pour ce 9e album, pardon, ils ont voulu booster leur son en engageant comme producteur Ben H. Allen III, dont le travail pour Animal Collective devait leur ouvrir de nouvelles possibilités et les inciter à expérimenter. Bah, c'est à moitié raté. Même si certains titres semblent plus péchus, comme Book of You, genre Animal Collective chanté par les Ronettes, ou Party Line, qui pourrait prétendre au dance floor, on a l'impression globale d'entendre une pop musique assez standard et sans grande originalité, pas désagréable pour autant. On pourra toujours invoquer le syndrome de fatigue chronique dont souffre le chanteur Stuart Murdoch pour expliquer le calme ambiant de ce disque que les amateurs de rock peuvent zapper sans trop de risques. One, two, one, two. Can you take the big out of the keys? Snare drum? That could be handy as well. I think it's getting there. I'm still hearing the coming down the echo. Hey, yeah, I still got it. I'm not quite sure myself. The band should fire me. Will we go from the top? Go. Since we've done an album. I've been in a studio pretty much every day, you know, for 10-12 hours. So. We're working with a hip-hop producer. That immediately gives it a different aesthetic. It's sonically different, the feeling of it. Some of them are more difficult to record than others. Some southern elements. When nights were born, it settled by the king. Settled by the king. It's settled by the king. It's settled by the king. Bel ouvrage que ce quatrième album de ces Américains de Black Wine. Pas un de ceux qui vont révolutionner l'histoire du rock, mais un qui tournera agréablement sur votre platine. Originaire du New Jersey, ils utilisent avec succès la formule très connue du trio, sans fioritures donc, mais avec un talent certain pour écrire des chansons que l'on peut classer sans trop se tromper dans une mouvance pop-punk. Selon leur label, qui n'a peur de rien, les Black Wine seraient le super groupe que Bob Mould et Kim Deal auraient formé s'ils avaient pu. Et à l'écoute, on ne peut pas forcément leur donner tort. Avec une particularité notable, ils chantent tous et ceux à tour de rôle, et même les trois ensemble sur le morceau Rhyme. Un autre élément appréciable, la jeune fille tient la batterie et c'est pas si courant de nos jours. Un voyage agréable donc qui alterne moments de power pop et des moments plus catchy, alternance qui se renforce avec des voix différentes qui en fait au bout du compte un groupe plutôt original et ce, dans le bon sens du terme. Yeah! En provenance directe de Minneapolis, les impatients Blind Shake sortent album sur EP sans débander une seule seconde, avec un rythme moyen d'une sortie par semestre. Adeptes d'une surf musique matinée de distorsion et de bruit ambiant, ils nous donnent l'impression que l'air du Minnesota produit régulièrement des groupes bruitistes mais mélodiques, comme l'ont pu être leurs cousins de Saint-Paul, les fameux Husker Du. Moins rapides que ces derniers, ils restent dans une veine plus traditionnelle et moins inspirée par le hardcore des années 80, puisant ses racines dans une histoire baignée de country et de garage rock. Les voix sont ainsi distordues juste ce qu'il faut, la production restant dans les limites de l'audible tout en étant légèrement crasseuse. 20 minutes de pur bonheur rock'n'roll que ce LP, où les titres s'enchaînent sans temps mort, avec une belle réverbe qui court et fait le tour de la pièce sans arrêt. On a droit ainsi à un somptueux instrumental, A Clock, A Window, A Pyramid, qui fait monter la sauce tout au long de ces 2 minutes 30. À noter aussi le titre Salt, avec son petit côté amateur dû sans doute à l'absence de batterie et à la guitare acoustique qui déraille. S'il vous fallait encore un argument pour foncer écouter ce disque, sachez que ces braves gens ont collaboré précédemment avec une véritable légende du punk bizarre, j'ai nommé l'excellent Michael Yonkers. Oui, celui-là même que tout le monde a oublié, spécialiste de l'OVNI à mi-chemin de l'expérimentation psychédélique et du garage punk. Rien que pour ça, le respect est de mise. Si vous les avez ratés lors de la tournée française d'avril, il vous faudra malheureusement patienter jusqu'à la prochaine en espérant qu'ils reviennent encore plus forts. S'il existe une véritable icône de la scène garage contemporaine, nul doute que c'est Jay Retard et personne d'autre. Disparu tragiquement en 2010 d'une sorte d'overdose multiproduit, il incarne encore maintenant une sorte de quintessence de l'esprit garage, matinée de punk et d'influence 50s. Donc avant d'aller plus loin, note bien sur ton petit calepin, cher auditeur, de te faire une cure de ce monsieur, tu ne seras pas déçu. 4 ans après cette disparition, l'excellent label René Retard Records a décidé de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire de rendre hommage à ce mythe moderne tout en montrant à l'occasion la belle et bonne santé de la scène punk et garage Frenchy. L'idée sera donc de faire enregistrer à nouveau le LP Blood Vision de Jay Retard en proposant à la jeune vague de faire un morceau chacun. Le résultat est plutôt brillant, dommage, l'hommage n'est pas ampoulé mais plein de vie et d'énergie. Et cerise sur le gâteau, l'écoute révèle un ensemble parfaitement homogène où chaque groupe apporte sa personnalité et sa touche à l'édifice en mettant en valeur les qualités de songwriter de ce bon Jay. Après un début en fanfare avec Bazooka qui reprend le titre éponyme Blood Vision, s'enchaînent de courts morceaux tous plus péchus les uns que les autres où j'ai particulièrement apprécié la perf des Sikienaz. Tout s'enchaîne avec la facilité d'un jour de paye et l'on finit sur 2 morceaux plus longs et plus bizarres interprétés par Godzilla, dont je vous reparlerai très très bientôt, et Volage. Au final, un album vraiment excellent que je recommande chaudement à tout le monde pour affronter les semaines qui viennent. Let's go. Les Quadras sont dans la place, c'est une certitude. Une nostalgie des années 90 envahit à nouveau l'espace public. Les pubs reprennent des standards de l'époque et ceux qui n'avaient pas une thune en poche en 90 ont maintenant les moyens de dépenser un max pour satisfaire leur passion de jeunesse. Il faut relativiser, il y a quand même de bons côtés, comme le retour du vinyle et le repressage en masse de nombreuses galettes tombées en désuétude. Parmi les côtés moins fun à mon sens, des styles musicaux passés à la trappe reviennent en force, et un en particulier le shoegaze. Je me rappelle les yeux ébahis de mes collègues de l'époque s'extasiant sans fin sur la production sublime du dernier My Bloody Valentine, avec un discours où se mélangeaient relents de hippies et mauvaises effluves de jazzmen. Déjà chiant à l'époque, comment ce style a-t-il pu vieillir 20 ans après ? Inutile de tourner autour du pot, la réponse tient en un mot, mal. Pour un ride qui se reforme, on a une ribambelle de groupes se réclamant du style qui surgissent, dont les Cheetahs, objet final de cette petite chronique. Ces braves Anglais, après un peu premier album en 2014, reviennent avec un EP 4 titres en 2015 qui reprend les choses telles qu'elles étaient restées en 1995. Oui, telles qu'elles. Pas de nouveauté, pas d'influence surprenante, juste la même recette. Recette que l'on pourrait résumer en peu de mots. Mid-tempo, guitare brouilla-brouilla et chant éthéré par-dessus avec une production savamment crasseuse. Enfin, pas trop pour les Suns, mais enfin bon, vous aurez compris le principe. Preuve en est que le filon intéresse encore du monde. Ils ont été programmés au Primavera Festival et nul doute que l'on aura encore à subir d'autres albums de ce type par eux ou leurs clones.